Fadjet, 30 ans, 30 heures de direct. 30 heures de direct, chaque heure représente une année des 30 années qu'on a déjà franchi Fadjet. Nous voici maintenant en 2004, il y a 11 ans maintenant déjà, eh oui, il y a 11 ans. Et rappelez-vous, il y a 11 ans, ce qu'on écoutait à la radio sur Fadjet, un gros carton. Comment dire, un peu dance, un peu roumain, c'était Ozone, Dragostea Lintai, et c'est maintenant sur Fadjet. Y a toujours du ciel bleu, fréquence vacances, 94.2. Y a toujours du soleil, en FM, branché sur Fadjet. Haiduc și te rog, iubirea mea primește fericirea. Alo, alo, sunt eu, Picasso, ți-am dat bip și sunt voinic, dar să știi, nu-ți cer nimic. Vrei să pleci, dar nu mai ei. Să-ți spun ce simt acum. Alo, iubirea mea, sunt eu, fericirea. Alo, alo, sunt iarăși eu, Picasso, ți-am dat bip și sunt voinic, dar să știi, nu-ți cer nimic. Vrei să pleci, dar numai ei. Fadjet, aujourd'hui 30 ans d'ondes solidaires. Eh oui, 30 ans d'ondes solidaires, 30 ans que nous sommes là, que Fadjet émet à Nancy, et 30 heures pour fêter ces 30 ans de Fadjet. Chaque heure représente une année. Nous avons déjà franchi un certain nombre d'années puisque nous sommes déjà en 2004, compté 85-2004. Il y a 19 ans qui sont passés. Il nous reste 11 ans à vivre ensemble, donc encore 11 heures de programme. Rien que pour vous, en direct et en live sur Fadjet. Très heureux de vous y accompagner. Alors justement, tiens, beaucoup de programmes ont été diffusés sur les antennes de Alpha Jet depuis sa création, notamment un programme qui est pour nous très important qui s'appelle Parole Outre-Mur. Et je vous propose de suite de découvrir l'interview de Bernard et de Véro qui contribuent depuis fort longtemps à la bonne tenue de Parole Outre-Mur. C'est sur Fadjet, c'est pour vous les amis, les 4h05. Ça commence, oui. Vous avez entendu le rire de Véronique Serret et Bernard Smooth, j'espère que je prononce bien, l'accompagne. Parce que c'est un duo de choc qui a sévi pour le bonheur de Pomme. Et on va essayer de les découvrir un petit peu parce que c'est un petit peu l'âme de Fadjet. Alors, moi j'en sais un petit peu plus déjà sur Véro. Maintenant, j'aimerais bien en savoir un petit peu plus aussi sur Bernard. Bernard, quel a été votre rôle à Fadjet et en quoi est-ce que ça consistait? Eh bien, mon rôle a été celui d'un des animateurs de l'émission Parole d'Outre-Mur, et j'ai commencé à jouer ce rôle, si l'on peut dire, on ne va pas dire cette fonction, ce qui ferait un peu trop administratif. J'ai joué ce rôle à partir du siècle dernier, dans les années 1998. Ouais, c'était une belle année pour l'équipe de France, en tout cas. Moi, je me rappelle que de ça. J'en suis tout à fait d'accord. C'était aussi l'année de ma retraite. Ah bah, c'était une double belle année, alors. Pour faire simple, je rappelle que Parole d'Outre-Mur, c'est une émission qui permet aux détenus de communiquer avec leur famille et vice-versa, évidemment. Alors, c'est une émission qu'on retrouve toutes les semaines le dimanche. Qu'est-ce que ça vous a apporté de faire cette émission-là, personnellement? Eh bien, ça correspondait probablement à des intérêts personnels, d'abord, avant que je connaisse l'émission et avant que je connaisse Fadjet. Figurez-vous que j'avais un fils qui avait fait des études de journalisme. D'accord. Les études qu'il avait faites m'intéressaient aussi. Ce qui fait que je me suis intéressé à Fadjet lorsqu'un jour je me suis rendu au centre du bénévolat pour que l'on me propose des activités, et celle-ci, qui correspondait à mes intérêts, m'a convenu tout de suite. Alors, si je dis pas de bêtises, Véronique, c'était aussi le centre du... Véro. Bon, excuse-moi, Véro, ça va. c'était oui. aussi au centre du bénévolat, alors oui, que... Du volontariat, oui, oui, c'est du ça. Volontariat, mais vous n'êtes pas rencontrés quand non, même là-bas. Non, pas du tout. On mais s'est rencontrés... À Pomme. Voilà. Oui, oui, tout à fait. D'accord. Bernard, si Fadjet était un mot, ce serait quoi? Ou un souvenir? Ah, c'est... Bon, c'est la rencontre de jeunes. C'est la rencontre avec des bénévoles qui se dévouent pour des personnes qui se trouvent en difficulté, et en particulier des jeunes. Or, comme toute ma vie, j'ai vécu avec des jeunes scolarisés, j'ai trouvé là le lieu idéal pour prolonger l'activité professionnelle précédente. D'accord. Et c'était quoi l'activité professionnelle, si c'est pas indiscret? J'étais principal de collège. Alors, moi, je voudrais juste savoir, est-ce que vous pensiez qu'un jour, Fadjet les aurait, ces fabuleux 30 ans? Est-ce que, quand vous êtes arrivé, vous disiez, ça va s'arrêter un jour, ce beau projet? Ou non, on sentait qu'il y avait une véritable dynamique qui allait se poursuivre? Je n'ai jamais pensé que Radio Fadjet pourrait s'arrêter. Sauf si elle ne trouvait plus les moyens financiers et les moyens en personnel aussi, aussi bien personnel professionnel que bénévole. Or, je crois que jusqu'à présent, ces conditions d'un bon fonctionnement ont toujours été réunies. J'étais assez sensible d'ailleurs à ce problème, puisque pendant un certain temps, j'ai eu les fonctions de secrétaire général de Radio Fadjet. C'est vrai. Alors maintenant, je pose la question à Véronique. S'il fallait qualifier Bernard en un seul mot, ce serait quoi? J'adore ce genre de questions pièges. Sympathie. Sympathie, c'est gentil. On voit que vous formez un très beau couple d'animation, et ça c'est cool, ça s'entend bien au micro. Bon, en tout cas, je voulais vous remercier de la part de Pomme et de la part de Fadjet pour vos différentes années de bénévolat. Et c'était assez marrant de vous retrouver derrière le micro, en tout cas. Bah oui, ça nous fait tout drôle, hein. Ça nous donnerait presque l'envie de remettre ça. Quand vous voulez. Pourquoi pas. C'est plus que radio, Fadjet. Fadjet, 30 ans, 30 heures de direct. Quel plaisir d'entendre des voix aussi familières qu'on aimait tant entendre sur Padgett, hein, Bernard Smooth à l'instant avec Véro. Voilà, on les embrasse en tous les cas. Il est 4h10 du matin, mes amis. Dans un instant, on va repartir avec du bon son live, rien que pour vous, jusqu'à 5h du matin. En attendant, tiens, rappelez-vous, en parlant de bon son live, l'une des émissions qui cartonnait dans les années 2000, on est à peu près en 2004, effectivement, et c'était la Citrouille Cosmique. Je vous propose de réécouter maintenant, tout de suite, la bande-annonce de cette émission. Il y avait une fois, par-delà les barrières intemporelles des ombres sidérales, à travers les nébuleuses spirales des âges indicibles, la Citrouille Cosmique. Mais c'est quoi, Du rock, du jazz, de la pop, Yellow Submarine, du métal. Chaque lundi sidéral, de 21h à 22h, avec Julien et Romain dans La Citrouille Cosmique. Fadjet, aujourd'hui 30 ans d'ondes solidaires. Et 30 ans, ça se fête. Oui, les amis, ça se fête avec Club Sensation qui va redémarrer dans quelques instants sur Fadjet en direct. Ring pour vous, 4h11. On est très heureux de vous accompagner. On est là encore pendant quelques bonnes heures de direct, rien que pour vous. Et tiens, on parle de Fadjet, on parle aussi des invités qui sont venus sur Fadjet, qui nous ont accordé des interviews. Et là, c'est l'une de nos stars de l'imitation, l'une des stars du rire actuellement. Il s'appelle Nicolas Canteloup. Et on a eu le plaisir de l'interviewer, oui, sur Fadjet. Et on vous propose de l'écouter d'ores et déjà, et juste après, vous retrouvez Club Sensation. Depuis 1985, Fadjet, un lieu unique d'accueil, d'écoute et d'expression pour et avec des jeunes. Ils sont tous passés au micro de Fadjet. De l'abbé Pierre à Antoine Decaune, de Jean d'Ormesson à Lilian de The Voice, ils sont le symbole de la diversité des programmes de Fadjet. Tout de suite, un morceau choisi juste pour vous. On s'est tous au moins une fois posé la question « Comment bosse un imitateur ?» Eh bien, on a eu en 2004 Nicolas Canteloup au micro de Stéphane Kaltchef. Il lui a posé la question, c'est assez marrant. Il y a deux façons de procéder. Soit je trouve une voix assez rapidement, sans trop de travail, j'ai pas trop de mérite. Une voix sur commande, souvent on guignole, ils nous commandent des marionnettes. Et là, c'est beaucoup plus de travail, où on est sur magnétoscope, aller-retour. Et ensuite, en fait, une fois qu'on a trouvé une piste sur une voix, il faut à peu près 3 semaines. Enfin, dans mon cas, il faut 3 semaines pour l'ancrer vraiment, oui, pour la sortir de façon automatique. Et même si vous me demandez de faire un baladur que j'ai plus fait depuis 5 ou 6 ans, mais que j'ai ancré, je ressortirai sans avoir travaillé. Écoute, je vous demande de vous arrêter, mon cher monsieur. Oui, ça va revenir très facilement. Fadjet, 30 ans, 30 heures de direct. Eh bien, de retour, bien sûr, dans Club Sensation pour cette deuxième partie avec Divine. Tu peux lancer des platines. C'est parti pour du son hardstyle. We'll be right back. chose a unique gift to find his way and transform his destiny through a world of magic. Through a world of magic. A unique gift to find his way and transform his destiny through a world of magic. body break the floor. la République. Vive la France! DJ Divine en mix live. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging on blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Sensation sur Fadjet. Sur Fadjet. en mix live. DJ Divine. journey into sound. Climax. DJ Divine. Immerse in a unified field of vibrations. A journey into sound. Resonate on the deepest level, beyond the shadows of imagination. Climax. Equilibrium. last I could finally call you God again. For years, this word stirred fear and conflict in me. Sometimes even anger. Judgment, intolerance, ignorance tainted the innocence of letters and language. But words are not meaning, and you are nameless. You spring to life on the mountain ridge, in young grasses between the boulders, in the wide eyes of grazing deer, in a welcome song of rain, kissing our parched earth. I whisper thanks for your beauty, and find you in the quiet. Divine. Et oui, toujours sur Fadjet pour les 30 ans. En tout cas, j'espère que cela vous a bien plu pour ce set mix Artstyle avec Divine. Ça a été Divine. Oui, tout à fait, ouais, impeccable. Ouais. Très content d'être venu parmi vous. Ouais. Donc, ça fait plaisir. Pour les 30 ans, là, en pleine nuit, c'est parfait. Ah, c'est nickel, c'est nickel. Eh bien, c'est impeccable. Et ben voilà, on va terminer avec du raw style et puis on va finir en hardcore pour rejoindre les 5 heures. Ouais, je fais juste un petit vite fait, une petite dédicace, Kevin, Manu, tout le groupe HCS qui vont à la Climax demain. On pense à eux et je fais des bisous à tout le monde. Merci. Ouais. Sensation sur Fadjet. Close your eyes and count to seven. Make it be in heaven. We'll be right back. DJ Divine en mix live. Here we go. Eh bien, c'est ainsi que se termine Club Sensation pour les spéciales 30 ans. En tout cas, j'espère que cela vous a bien plu. Et puis, bah, pour ma part, on se retrouve encore ce soir pour Club Sensation. C'est bon, ça, Davy. Oui, on a fini avec Hardcore. Décidément, on s'arrête jamais sur Fadjet. Exactement, on va laisser de la place à Fred pour Multitude. Merci en tout cas, les amis.